Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui sur le thème de la dispersion orthodoxe dans le monde, en compagnie de Jean-François Colosimo et de Georges Prevelakis, à l'occasion de la parution d'un livre de Jean-François Colosimo, Dieu est américain, aux éditions Fayard. Jean-François Colosimo, pour commencer, deux mots sur ce livre. Oui, l'idée fondamentale de ce livre, c'est que les États-Unis, en tant que réalité nouvelle du monde moderne, ont inventé en fait la démocratie, réinventé la démocratie, c'était l'idée de Tocqueville, à la fois comme religion politique, n'est-ce pas ? C'est la religion des États-Unis, foncée la démocratie, mais coiffée par Dieu, comme religion politique et comme politique religieuse, toutes les fois, toutes les croyances sont... Bienvenue aux États-Unis. Aux États-Unis, l'Église spontanée que vous venez de créer parce que vous avez une inspiration divine vaut exactement, ontologiquement, la même chose que l'Église qui remonte, qui dit remonter à 2000 ans, n'est-ce pas? Et donc, cette espèce un peu de grand marché, de supermarché libéral, d'hypermarché libéral des croyances auxquelles tournent les États-Unis, c'est à la fois, on pourrait dire, une chance. On pourrait penser que c'est une chance pour les Églises, par rapport à des situations extrêmes qu'elles ont pu connaître sous divers régimes marxistes, autoritaires, fascistes, etc. Eh bien, où on peut penser au contraire que cet hypermarché libéral des croyances ne constitue pas une chance tellement pour les églises, mais au contraire représente leur affadissement, leur normalisation complète, et au fond, cette terre de liberté pourrait être un peu moins une terre de liberté religieuse que ce que nous pouvons croire, au sens où les religions peuvent y exister, mais y existent sous condition, au fond, de se neutraliser elles-mêmes. Voilà, c'est un peu ça l'idée, n'est-ce pas ? Oui, je trouve c'est très intéressant cette perspective, si on compare le projet américain avec le projet soviétique, parce que l'Union soviétique a aussi créé une religion d'État. Le système communiste avait ses symboles, avait ses saints, avait ses monuments, le mausolée de Lénine. Quand on allait à l'Union soviétique, on voyait bien l'existence d'une religion communiste qui avait remplacé la religion, enfin l'orthodoxie, la religion chrétienne, mais ça n'a pas marché. Tandis que les systèmes américains, pour l'instant, survivent. Donc dans cette compétition entre deux tentatives d'absorber les religieux dans les politiques, le système américain, sous prétexte libéral, arrive quand même, d'une certaine manière, à effacer la spécificité religieuse, mieux que le système soviétique où, avec son effondrement, nous avons des retours de la religion. Georges Prevelakis, vous êtes professeur de géographie culturelle et politique à Paris 1. Vous êtes un spécialiste des Balkans. Alors, je voudrais maintenant qu'on fasse, si possible, un rapprochement, une comparaison entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans notre monde orthodoxe traditionnel, si vous voulez, et en particulier les Balkans. L'occasion m'est donnée de vous poser cette question par toujours un extrait de ce livre de Jean-François Colosimo, un livre passionnant qu'il faut absolument lire, on se pose plein de questions en le lisant. Alors, dit-il, ainsi de l'échange quotidien à l'événement extraordinaire, de la famille à l'économie, de l'éducation à la guerre, la religion civile est appelée à sanctifier l'ensemble de la vie collective. Alors, dans les pays de tradition orthodoxe, nous avons une présence du fait religieux, si vous voulez, dans la vie sociale, politique, qui est tout à fait flagrante. Et nous aimons même dire que dans la conception ecclésiale, tout est sanctifié de cette manière-là. Alors, voyez-vous un rapprochement entre cette conception américaine et ce que nous vivons d'abord dans nos pays traditionnels orthodoxes, et puis nous allons en arriver en France. C'est encore différent. Oui, je pense que dans les Balkans, le nationalisme qui voit le jour donc au XIXe siècle, avec comme pays pionnier la Grèce, a utilisé la tradition orthodoxe. L'orthodoxie a été un fondement du nationalisme, a récupéré l'orthodoxie, et cela a créé d'énormes problèmes, n'est-ce pas? Parce que nous avons donc cette nationalisation, sécularisation, nationalisation de la religion. Je reviens à ces débats de la fin du XIXe siècle entre, d'un côté, l'Église orthodoxe, représentée par le patriarcat de Constantinople, d'un côté, et ensuite l'Église grecque orthodoxe d'Athènes, et ensuite avec l'exarchat bulgare autour de l'ethnophylétisme, c'est-à-dire la résistance, l'effort de la résistance du patriarcat face à cette récupération nationaliste de la tradition orthodoxe. Donc il y a des similarités. Nous sommes dans le même registre, c'est-à-dire de contact entre la modernité et la religion, et comment la modernité qui construit une nouvelle logique que nous appelons westphalienne, où le territoire, l'identité et l'État sont combinés. Cette modernité est en contradiction avec la vieille tradition où encore la religion joue un rôle très important. Alors, comment comparer l'expérience balkanique avec l'expérience américaine? L'utilisation de la religion dans les Balkans préserve ces traditions quand même. C'est-à-dire, parce que dans le cas, comme nous avons vu dans la précédente émission, dans le cas américain, le problème, c'est que il faut uniformiser, il faut américaniser. Donc on ne peut pas utiliser en bloc la culture religieuse en la détournant certainement, mais en la gardant. Il faut aussi entrer dans le quotidien, il faut entrer dans les rythmes, il faut entrer dans la liturgie, il faut entrer dans l'ambiance. Donc c'est plus profond, c'est-à-dire cette récupération va plus loin dans un processus d'affaiblissement, d'effacement d'une certaine authenticité. C'est très difficile de parler de ces choses parce que même les termes, on n'a pas le vocabulaire nécessaire. Vous voyez, je parle d'authenticité, c'est tout un débat. Qu'est-ce que ça signifie, authenticité? Quel est le noyau qu'on peut considérer comme nécessaire à préserver? Nous sommes dans tous les problèmes de la préservation, de la continuité et en même temps du changement hein, nécessaire. Mais même si on a très souvent dans les Balkans le sentiment que finalement l'orthodoxie a été trahie quand on utilise l'orthodoxie à des fins nationalistes pour faire la guerre, etc. C'est une trahison de l'orthodoxie, sans doute. Bon, mais en même temps, quand on est dans une église, on a le sentiment d'être dans une ambiance orthodoxe. Tandis que parfois, aux États-Unis, quand on est dans une paroisse très américanisée, on ne sait pas où on est. Et on ne sait pas pourquoi cette paroisse doit s'appeler orthodoxe. On peut se poser la question. Mais nous sommes en France aussi, si vous voulez. Jean-François Colosimo, cette ecclésialisation, si on peut dire, de la vie politique, de la vie sociale en entier, c'est pas du tout ce que nous vivons en France. En France, il y a un principe, celui de la laïcité, une séparation très nette entre l'État et le pouvoir civil, et de l'autre côté, la liberté, évidemment, de religion, mais qui n'a rien à voir avec cette vie publique. Alors, comment peut-on marier les deux lorsqu'on est croyant? Comment le vit-on? Et est-ce que vous voyez une influence, si vous voulez, de cette conception américaine sur le continent européen et en particulier en France, puisque évidemment dans la vie de tous les jours on voit l'influence américaine à tous les niveaux. Est-ce qu'elle vient également influencer notre vie ecclésiale? Pour reprendre un tout petit peu et aller dans votre sens ce que disait Georges Prévacis, il est évident que à un sens, c'est paradoxal mais c'est comme ça, c'est pas très paradoxal en fait. La nation va être un principe, dès lors qu'il va y avoir déformation en quelque sorte de l'orthodoxie dans le monde moderne, la nation va être effectivement moins un principe un peu moins déformateur, plutôt c'est comme ça qu'il faut parler, un principe un peu moins déformateur, mais un principe forcément déformateur, effectivement, je dirais que l'américanisation au sens de où l'Amérique est un passage obligé vers la mondialisation, c'est-à-dire vers une dimension effectivement complètement neutre, planétaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la religion c'est toujours une identité, et donc tout ce qui vient conforter l'identité religieuse, comme la nation par exemple, va être un facteur identitaire, je suis un peu tautologique mais je dois l'être, plus fort qu'effectivement tout ce qui va prétendre dissoudre, n'est-ce pas? Alors vous voyez d'ailleurs que par exemple pour ce qui est de la France, les vagues d'immigration ont donné lieu immédiatement au rêve d'une église locale, d'une orthodoxie française. La question s'est posée de savoir comment on allait lier cette présence de l'immigration, de diverses immigrations, russes et grecques au départ, serbes, syro-libanaises, roumaines ensuite, n'est-ce pas ? Mais de savoir comment cette immigration allait vivre son orthodoxie sur cette terre. Et d'un coup, ça a provoqué effectivement un réveil théologique assez important. On s'est dit, mais l'orthodoxie est présente sur cette terre, puisque les orthodoxes, par exemple, vénèrent Irénée de Lyon, qui a été le premier primat des Gaules, en quelque sorte, qui était un grec d'Asie mineure, venu à Lyon au deuxième siècle, en pleine époque des martyrs, pour, je dirais, professer la vraie foi, combattre les hérésies, etc. Et il y a évidemment quantité de pères. Vous voyez, Jean Cassien quitte les déserts d'Égypte, où vient de naître le monachisme chrétien au IVe siècle. Il vient à Marseille, c'est la fondation du monachisme sur l'autre rive de la Méditerranée, etc. Bon, on va... Les églises romanes, tout, etc. Et puis, même, une grande partie du catholicisme français pouvait sembler être en accord, en harmonie avec une certaine sensibilité orthodoxe. Pensez à Georges Bernanos, à Charles Péguy, enfin, etc. Donc, et puis, les relations ancestrales de la France, aussi de la culture française, avec les grandes cultures orthodoxes, hélléniques ou russes, n'est-ce pas ? Bon, là, on était dans une symbiose. Bon. La question s'est posée. En même temps, cette tentation d'une église française, d'une orthodoxie française, montrait bien combien le biais nationaliste peut tordre en quelque sorte la réalité orthodoxe et combien ce biais nationaliste représente toujours une tentation en quelque sorte. Car l'orthodoxie française pouvait aussi s'instituer et a eu la tendance à s'instituer à rebours de l'orthodoxie tout court, n'est-ce pas ? En séparation, comme une réalité nouvelle, et avec une empreinte fort très très messianique, typique du caractère français, puisque grosso modo, d'un coup, les orthodoxes français n'entraient plus dans l'église pour y faire leur salut, mais pour faire le salut de l'église orthodoxe. Donc vous voyez, il y a toujours cette dimension qui revient, ce sont des hommes concrets que Dieu sauve en quelque sorte, des identités historiques réelles, n'est-ce pas ? On peut difficilement s'en abstraire, il faut donc un regard critique dessus, et c'est tout un peu le travail auquel force l'état de dispersion dans lequel l'orthodoxie est désormais. Parce que l'orthodoxie, en se confrontant à des réalités nouvelles, où elle n'est pas à l'aise, où elle n'est pas installée depuis toujours, où tout n'est pas réglé entre l'État et l'Église, entre le peuple et le clergé depuis toujours, où il n'y a pas des empreintes en quelque sorte orthodoxes partout, que ce soit des monuments, que ce soit des rythmes de vie, etc., elle doit se poser la question de l'orthodoxie, de savoir ce qu'elle est. Vous voyez, c'est un peu une question un peu salutaire. Au fond, c'est quoi l'orthodoxie, quoi ? Dès lors qu'on la sort de son bain. Hein, dès lors que l'orthodoxie vient au monde, en quelque sorte, si je puis dire, c'est ça l'état de dispersion, dès lors qu'elle vient au monde comme un bébé qui est projeté dans l'existence, en quelque sorte, qui sort du bain amniotique, qui sort du bain maternel, historique, de la matrice, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une question vitale, importante. Les réponses, elles sont à venir, mais on est dans ce questionnement. Oui, mais ça, c'est la question du rapport de chaque communauté orthodoxe et de sa rencontre avec la culture et la société dans laquelle elle arrive. Absolument. Alors, il y a un problème d'organisation, un problème ecclésiologique, dirait-on en termes théologiques, qui est très délicat et qui passionne tout le monde, évidemment. Comment peut-on arriver à une organisation, je dirais, uniforme et conforme à la tradition, quand on voit qu'il y a des communautés orthodoxes qui s'installent à chaque fois dans des pays, des cultures, des sociétés qui ont des principes complètement différents? Comment peut-on arriver à avoir à la fin quelque chose de tout à fait traditionnellement orthodoxe, quand on le verra dans les pays dits de la diaspora? On est actuellement dans des situations provisoires, nous le savons. Mais un jour, le Seigneur permettra que ceci s'installe de manière tout à fait traditionnelle. Les orthodoxes de la diaspora vivent souvent dans le sentiment d'une oppression de la part des églises mères ou d'une mécompréhension. Ils taxent souvent les églises mères, c'est-à-dire les églises traditionnellement orthodoxes, dont les immigrations sont issues, d'égoïsme. Mais souvent, ces réalités naissantes ne se rendent pas compte aussi de la situation extrêmement critique des églises mères. Je prendrai un seul exemple, le patriarcat d'Antioche, qui est le patriarcat d'Antioche de tout l'Orient, je veux dire, qui est vraiment, Antioche était la grande ville sémitique de l'Antiquité, c'était une espèce de New York, n'est-ce pas, une grande ville, une mégalopole, vraiment, enfin, extraordinaire de culture. Aujourd'hui, c'est un village qui n'appartient même plus à la Syrie, qui, les hasards de l'histoire l'ont mis du côté de la Turquie. Le patriarcat a été transféré à Damas au XVIIe siècle. Ce patriarcat a donné beaucoup à la culture mondiale, puisqu'il a participé de la renaissance de l'arabité, n'est-ce pas? Il a essayé aussi de contribuer à la renaissance du Proche-Orient comme un ensemble viable politiquement. Aujourd'hui, la majorité de ses fidèles sont hors de son territoire canonique, c'est-à-dire de l'espace qu'il gouverne historiquement. Ils sont en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et voilà que ce patriarcat, qui est une présence chrétienne, je crois, indispensable à la vie du Proche-Orient, pour mettre de la diversité, même dans la vie du Proche-Orient, n'est-ce pas, qui est indispensable aussi parce que c'est à Antioche que les chrétiens ont été appelés, vous voyez les actes des apôtres, ont été appelés pour la première fois chrétiens. Donc, je veux dire, et lorsque nous allons là-bas, nous pouvons aller là-bas parce qu'il y a encore ces gens-là et qui nous reçoivent et qui attestent d'une continuité vivante. Ce patriarcat, aujourd'hui, numériquement, politiquement, économiquement, ils dépendent de ces immigrations. On ne peut pas non plus couper ces immigrations et dire, voilà, nous sommes en train de créer des réalités nouvelles qui ne sont pas en dette aux réalités anciennes. Alors, cette question de comment, en fait, on peut mettre des orthodoxes venus d'églises très différentes ensemble, sans léser les églises dont ils viennent, et en aidant les églises dont ils viennent, il n'y a qu'une solution à ça, il faut faire naître un sentiment orthodoxe qui est hors nationalité. Georges Prévalakis. Alors, on est ici très intéressant parce qu'on est entré dans un autre registre. On parlait, on a commencé notre discussion en comparant, en discutant de l'interaction entre nation et religion, entre nationalisme et religion. Nous avons vu le cas américain, nous avons vu le cas balkanique. On a touché aussi au cas français. Je voudrais dire que le cas français me paraît encore quelque chose de différent, étant donné le rapport qui existait entre le politique et les religions en France. Il y a une différence fondamentale entre la France et les Balkans, c'est que dans les Balkans, la nation a été fondée sur la religion, a utilisé la religion, tandis que en France, la nation s'est construite contre, d'une certaine manière, la religion. C'est qu'il laisse un espace de liberté, c'est-à-dire en France, si on peut vivre sans la contrainte de cette récupération nationaliste de la religion, de l'orthodoxie d'un côté, et sans l'effacement de la spécificité, de notre spécificité dans le cas américain, c'est que c'est parce que l'identité nationale est neutre face à nous. Mais là, on entre dans un autre thème qui est celui de la diaspora. Comment vivre en diaspora? C'est un thème d'avenir, parce que de plus en plus, on constate que le monde qui fonctionnait autour de la logique territoriale nationale commence à s'effacer, ça ne va pas disparaître. Hein. Et en même temps, on voit l'émergence des réseaux, les diasporas sont des réseaux. Donc on entre dans cette logique avec tous ces dilemmes et avec ce que disait Jean-François tout à l'heure, à renvoyer à tous les thèmes de la problématique théorique sur les diasporas. Parce que les diasporas sont des systèmes très différents par rapport aux systèmes territoriaux, dans la mesure où ils vivent et ils gèrent la diversité spatiale, fonctionnent d'une manière qu'un auteur a appelé « chaotique » en anglais, c'est-à-dire il a combiné le chaos avec l'ordre. Ils ont un ordre, mais un ordre qui est chaotique. Donc, ce qui paraît très souvent, à première vue, quand on regarde les choses à travers notre habitude territoriale, westphalienne, nationale, ça nous paraît comme le début de la fin. En réalité, ça renvoie à des vieilles traditions de fonctionnement chaotique. Donc, il y a des systèmes d'ajustement et des corrections dans le chaos. Et c'est ces questions-là, la centralité, est-ce qu'il existe un centre, les centres sont menacés? Comment les centres peuvent se déplacer vers la périphérie, vers ces communautés? Il y a d'autres formes de territorialité. Nous avons des territorialités, mais des petites territorialités. L'église orthodoxe, notre église à Paris, de Saint-Étienne, c'est un territoire. C'est un territoire en soi, un territoire qui vit ses rythmes. À un certain moment, il devient plus intense. Alors donc, c'est toutes ces questions doivent se poser sous une vision assez différente. Nous devons évoluer, nous devons adapter notre regard à ces réalités. Par où commencer? D'abord, je pense que c'est très difficile d'établir des règles. C'est-à-dire, il faut trouver des solutions dans la vie Peut-être en se rappelant de ces vieux principes byzantins de l'économie. C'est-à-dire, il faut avoir des règles, mais en même temps, il faut savoir s'adapter. Jean-François Colosimo, pour conclure, cet avenir de la dispersion orthodoxe dans le monde, puisque c'est vraiment le sujet de notre émission, comment le voyez-vous? Quels sont les principes sur lesquels il doit être bâti? Je ne sais pas si plutôt que dans le monde, en France, puisque je crois que la France peut jouer un rôle effectivement en raison de sa richesse, de sa tradition de richesse intellectuelle d'un point de vue théologique, philosophique, politique. Les orthodoxes qui vivent en France, qui sont issus d'immigration, sont tous des gens qui ont rencontré le terrible pouvoir du politique sur l'Église, que ce soit dans la Russie marxiste, que ce soit dans la Grèce des colonels, que ce soit dans le monde arabe des régimes autoritaires, n'est-ce pas, ou que ce soit encore dans l'extension de l'Empire soviétique pour les Roumains, les Bulgares et les autres. Donc ils ne peuvent que se féliciter de rencontrer dans la laïcité française un espace où ils peuvent vivre leur foi, n'est-ce pas? Et je crois que cette laïcité, au fond, elle les juge. C'est-à-dire, il revient désormais aux orthodoxes de savoir s'organiser. On sait que les églises ont adopté un principe d'organisation qui correspond, au fond, à un principe liturgique qui correspond à la présidence du représentant du primus inter pares, du premier entre ses pairs, le patriarche de Constantinople, et ont favorisé l'émergence d'assemblées d'évêques. C'est extraordinaire. C'est très bien. Ça ne suffit pas à faire un peuple orthodoxe, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un peuple orthodoxe, il faut aussi que les gens apprennent à redécouvrir, à vivre en communion. Et c'est là où il y a une difficulté qui se place, c'est que le monde sécularisé n'est pas un monde de communion. Donc ça donne une double mission aux orthodoxes, je dirais, en France, de se trouver eux-mêmes et de trouver aussi quelque chose qui vaille pour les autres. Parce que c'est que dans ce double sens que nous arriverons à réussir. Sinon, si nous nous replions sur un petit sentiment communautaire, alors nous ne serons ni d'ici, ni de là-bas. Nous serons en fait des condamnés à perdre le sens de ce que nous avons reçu, de l'héritage. La difficulté est que l'histoire impose à chaque fois des nouvelles vagues de gens qui arrivent et il faut encore du temps pour les intégrer à chaque fois. Et donc ce processus semble ralenti très souvent. Il faut un temps orienté. Vous voyez, nous sommes des chrétiens d'Orient, l'Église d'Orient. Il faut que le temps, comme toute réalité de l'orthodoxie, doit être orienté. Pour que, en fait, l'orthodoxie se réoriente, il faut qu'elle se désoccidentalise un tout petit peu, c'est-à-dire qu'elle apporte un brin d'Orient dans cette France qui, au fond, y aspire et en rêve à cet Orient. Ben écoutez, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage qui nous a donné l'occasion de parler de tout ceci, « Dieu est américain » par Jean-François Colosimo aux éditions Fayard. Jean-François Colosimo, Georges Prévelakis, je vous remercie beaucoup. Nous nous retrouvons le dimanche 17 septembre, nous serons en compagnie du père Job Guetcha, doyen de l'Institut Saint-Serge, pour nous parler du nouveau programme d'études dans cette école. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Jaizan Taous. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris-Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.